Chapitre 5e, Dette encore. Le lendemain, à 10 heures précises, Ara arrive à la porte de l'hôpital où l'attend Karim qui lui avait donné rendez-vous. « Je dois, lui dit-il, te parler de quelque chose de très urgent. Comme je suis normalement de service, j'ai demandé à une collègue de me remplacer un moment pour venir te rencontrer. Allons à ce banc. C'est un endroit tranquille pour parler. » Il s'y dirige et s'assoit à l'ombre d'un joli arbre aux feuilles touffues. Karim expose le projet de crèche. Immédiatement, les yeux de Zara se mouillent de larmes. « Excuse-moi de pleurer, dit-elle. Auparavant, les malheurs ne provoquaient pas mes larmes. Au contraire, ils m'endurcissaient. Je serrais les dents. Je me sentais un boxeur sur un ring. Il me fallait donc savoir recevoir les coups même les plus violents, sans me lamenter, puis me relever et continuer à combattre. Cependant, depuis que je te connais, je pleure souvent, mais ce sont des larmes de joie. Tellement tu me rends heureuse, moi qui n'y croyais jamais. » Cette proposition de crèche aussi est une très belle nouvelle, car j'adore les enfants. Comment cette idée est venue à ton esprit? Oh, ce n'est pas moi, c'est Sylaphide qui en est l'auteur. Et tu veux savoir comment? Oui. Voici ce qu'il m'a dit. L'espèce humaine est une continuité. Les générations se suivent l'une après l'autre. La suivante dépend toujours du soin que la précédente lui a manifesté. Ainsi, chaque génération a une dette envers celle qui existait auparavant. Puisque la précédente s'était forcée de donner à la suivante de meilleures conditions pour vivre. Ma génération, par exemple, a une dette envers celle qui lui a offert l'indépendance nationale. Et cette génération de patriotes, à son tour, a une dette envers les générations qui avaient résisté au colonialisme, d'une manière ou d'une autre, et ainsi semer les grains afin de poursuivre la lutte. En remontant les générations, nous arrivons aux révoltes des esclaves. C'est ainsi que l'idée de crèche s'est présentée. N'est-elle pas l'une des manières, peut-être la plus belle et la plus importante, de fournir à la génération montante ce que les générations précédentes ont gagné? La crèche est donc une très noble manière d'honorer la dette que nous devons à nos prédécesseurs de la planète entière. Ils nous ont donné quelque chose d'utile, de bon et de beau, à notre tour de le transmettre aux enfants. Zara reste pensive, en s'efforçant à bien comprendre cette explication. Elle n'est pas habituée à ce genre de raisonnement. Karim le devine. Est-ce clair ce que j'ai dit? Je crois que j'ai compris. La dette, oui, la dette. Moi aussi je l'avais, et je l'ai encore envers mes parents. Si on l'oublie, il n'en reste plus rien. Certainement, affirme Karim. À propos de crèche, si la fille m'a dit encore une chose qu'il te plaira d'entendre, il déclara. La société est décidément mal faite, et voici pourquoi. Les personnes qui s'occupent de crèches, ainsi que les enseignants des écoles primaires, sont les moins payés parmi les gens qui travaillent dans le secteur de l'éducation. N'est-ce pas là une grave erreur? En effet, l'avenir d'un enfant, sa situation d'adulte, ne dépend-il pas, d'abord et principalement, de la toute première éducation qu'il reçoit? N'est-ce pas celle-ci qui permet de produire des citoyens bons ou mauvais à eux-mêmes et à leur collectivité? N'est-ce pas donc la justification légitime pour accorder aux éducateurs de la toute première enfance le plus haut salaire, en reconnaissance de l'importance fondamentale de leur travail? Soudain, le visage de Zara s'assombrit légèrement. À propos de la crèche, et si la police révèle mon passé? J'y ai pensé. Nous devons la prendre de vitesse, nous marier le plus tôt possible et tout de suite après annoncer l'existence de la crèche. Si les parents se rendent compte qu'elle marche bien, ils ne croiront pas à ce que dirait la police. Et même s'ils y croient, il y aura bien parmi eux certains assez intelligents et sensibles pour apprécier davantage une femme qui a renoncé aux avantages de la vente de son corps et au privilège d'être une moucharde de la police pour s'occuper d'un si noble travail. Éduquer des enfants. Ajoute à cela la situation catastrophique de la soi-disant éducation nationale. La crèche sera donc une bénédiction. D'autant plus qu'à propos de l'accès, j'ai pensé à un plan. La crèche pratiquera des prix abordables pour les familles de travailleurs. En outre, elle acceptera un quota d'enfants dont les parents, trop pauvres, ne peuvent pas payer une cotisation. Ainsi, j'ai calculé une quinzaine de petits-enfants. En plus, pas de loyer à payer. La crèche sera dans l'appartement de ma mère. Ni de collaborateurs à payer. Tu auras le concours gratuit de ma mère et de ma sœur. Ta sœur, s'inquiète Zara, qui connaît son problème de santé mentale. Tant qu'elle prend ses médicaments, tout va bien. En plus, je surveillerai, ou plutôt toi et moi ensemble, puisqu'une fois mariés, nous vivrons dans la maison de ma mère. Nous surveillerons son comportement. Qu'en dis-tu ? D'accord, répond Zara, extrêmement émue. Karim remarque en lui-même. Elle n'a pas ajouté la traditionnelle formule « Inch'Allah ». Dieu veut, c'est bon signe, car tout dépend de nous, uniquement de nous. Comment avoir des petits-enfants pour la crèche ? Interroge Zara. Toi et moi, répond Karim, nous parlerons aux voisins du quartier. Une idée surgit dans son esprit. Il hésite à la formuler par crainte d'embarrasser Zara. Non, il faut, se ravise-t-il. Si je veux construire une bonne relation avec elle, je ne dois rien lui cacher. Alors il lui demande, d'un ton prévenant, « Aimerais-tu lire un livre que j'ai lu et aimé ?» Elle regarde, très étonnée et un peu gênée, « Lire un livre ?»« Depuis que j'ai quitté l'école primaire, je n'ai jamais pris un livre dans mes mains. » Moi aussi, j'ai passé une partie de ma vie à ne pas m'intéresser aux livres, les croyant inutiles. Puis j'ai découvert l'existence de quelques-uns, très précieux, pour savoir comment vivre le mieux possible. Il sourit, puis ajoute, « Tu sais, c'est aussi grâce à certains livres que je me suis intéressé à toi. Je ne sais pas si je suis capable de lire, Abou Zara. Je t'aiderai. » « Alors d'accord. » « Oh, il ne s'agit pas, précise Karim, de lire pour se pavaner en faisant croire qu'on est cultivé. Non, pas du tout. » Il s'agit de lire pour savoir comment bien vivre. Le livre auquel je pense concerne directement la création et la gestion de la crèche. Ah, c'est bien. 2 jours après, le soir après dîner, dans le salon de son appartement, Karim est assis sur le divan en compagnie de Zara. L'ordinateur allumé de Karim est posé sur ses genoux. Il présente le texte « L'école moderne » de Francisco Ferrer, déchargé du disque externe de Sila Fid. Chaque fois, dit Karim à Zara, qu'un mot n'était pas clair, arrête-moi et demande-moi. Pardonne-moi si j'insiste. Ne laisse pas un seul mot sans explication, sinon le reste te devient difficile. Je te dis cela sur la base de mon expérience. Au début, c'est un peu pénible de s'arrêter à trop de mots. Cependant, par la suite, après l'acquisition d'un certain vocabulaire, la lecture devient plus facile. D'accord ? D'accord. Lentement et distinctement, Karim commence sa lecture. Soudain, il s'interrompt. Autre chose encore. Chaque fois que tu en as besoin, je te traduirai le texte dans notre langue maternelle. Alors, propose Zara, au lieu de lire en français, est-ce que tu peux lire toi-même, puis me traduire directement dans notre langue ? Pour moi, ce serait plus facile. D'accord, j'espère y réussir. Karim, pour la première fois de sa vie, traduit en langage oranais un texte français. La procédure ne se révèle pas très facile, mais elle est efficace. Le contenu, exprimé en langue parlée, est mieux accessible à Zara. Sortant de sa petite chambre à coucher, la mère de Karim apparaît. Elle s'assoit près de son fils. « Moi aussi, je veux entendre ce que tu dis, » déclare-t-elle, d'un air intéressé, « puisque je dois aider Zara pour la crèche. » De la cuisine arrive Zaya, avec sa démarche très discrète, sans bruit. Elle s'assoit avec les autres et se met à l'écoute. En présence de ces 3 femmes aimées, attentives à sa lecture, Karim a la nette impression de rêver les yeux ouverts, d'assister à un incroyable miracle.